Chapitre 14. On était à 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Ils se disaient en effet, « Nous ne pouvons pas l'arrêter pendant la fête, sinon il y aurait du désordre parmi le peuple. » Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était assis pour manger, une femme entra avec un vase d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, « À quoi aura-t-il servi de perdre ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. » Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a déjà mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Eh bien, je vous le déclare, partout où l'on annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait en souvenir d'elle. Alors Judas Iscariote, un des 12 disciples, alla dire aux chefs des prêtres qu'il voulait leur livrer Jésus. Ils furent très contents de l'entendre et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour le repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui demandèrent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, et vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, « Le maître demande, où est ma chambre, celle où je mangerai avec mes disciples le repas de la Pâque ?» Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre toute prête, avec les meubles nécessaires. C'est là que vous nous préparerez le repas. » Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples devinrent tout tristes et ils se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus leur répondit, « C'est l'un d'entre vous, les 12. Celui qui trempe avec moi son pain dans le plat. Certes, le Fils de l'homme va mourir de la façon dont les Écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez. Ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup d'hommes. Je vous le déclare, je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Jésus dit à ses disciples, « Vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger et les moutons partiront de tous côtés. » Mais quand je serai de nouveau vivant, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Alors Jésus lui répondit, « Eh bien, je te le déclare, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Mais Pierre déclara encore plus fort, « Je ne dirai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse, et il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et demeurez éveillés. » Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, « Ô mon Père, à toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé même une heure. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient garder leurs yeux ouverts, et ils ne savaient que lui dire. Quand il revint la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est arrivée. Voyez, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. » Il parlait encore quand arrive Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à la foule le signe qu'il utiliserait. « L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. » Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître. » Puis il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit, « Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais avec vous et j'enseignais dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus, vêtu seulement d'un drap. On essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi. Pierre suivit Jésus de loin, et il entra dans la cour de la maison du grand prêtre. Là, il s'assit avec les gardes, et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation contre Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Beaucoup de gens, en effet, portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. Quelques-uns se levèrent alors et portèrent cette fausse accusation contre lui. « Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple que les hommes ont construit, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par les hommes. » Mais même sur ce point-là, ils se contredisaient. Le grand prêtre se leva alors devant tous et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien? Que disent ces gens contre toi ?» Mais Jésus se taisait et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu parler contre Dieu. Qu'en pensez-vous ? » tous le déclarèrent coupable et dirent qu'il devait être mis à mort. Quelques-uns d'entre eux commencèrent à cracher sur Jésus, ils couvrirent son visage, le frappèrent à coups de poing et lui dirent « Devine, qui t'a fait cela ?» Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pierre était encore en bas dans la cour quand arriva une des servantes du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda bien et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Nazareth. » Mais il le nia en ces mots « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla hors de la cour, dans l'entrée, et un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui étaient là « Cet homme est l'un d'eux. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu de temps après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre « Certainement tu es l'un d'eux, parce que toi aussi tu es de Galilée. » Alors Pierre se mit à dire « Que Dieu me punisse si je mens. Je jure que je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » À ce moment même, un coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante deux fois, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. »